Coucou, c'est Mathieu. Pour vous permettre de continuer à écouter les petites histoires gratuitement, j'ai décidé de sélectionner des sponsors qui développent de chouettes initiatives pour les enfants. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la dernière collection de livres disponibles dans les menus Happy Meal de McDonald's. Grâce à la plume magique de Catherine Pancol et aux merveilleuses illustrations du duo Lespelli, vous suivrez Paloma, Enzo et leur chien Pippo dans de folles aventures aux côtés des plus grands héros de la littérature. Et ce mois-ci, ils vont être plongés dans l'univers que je préfère, celui d'Alice au Pays des Merveilles. Au cours d'une aventure riche en créatures farfelues et en personnages hauts en couleur, nos trois héros vont aider Alice à retourner chez elle en sauvant le lapin blanc. Pour lire cette histoire, rendez-vous dans votre restaurant McDonald's et retrouvez les livres de la collection avec votre menu Happy Meal. Bonne lecture! Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal, voire le livre du moment au restaurant. Et maintenant, place à votre petite histoire. Les petites histoires de Tell Me. Roller zombie. Dans le stade de City Freaks, l'ambiance était électrique. Assis à côté de son père, Rob ne l'avait jamais vu aussi plein. Tout ce que la ville comptait de monstres et de créatures en tout genre criait, hurlait, chantait. Seule la finale de Roller Race attirait autant de monde. Sur la piste, la bataille faisait rage. Les meilleurs coureurs jouaient des coudes pour franchir la ligne d'arrivée. Soudain, l'un des concurrents réussit à se dégager et fonça comme une flèche. Avec ses rollers dorés, Rob la reconnut tout de suite. Carmilla Santana, une vampire au regard glacial, championne incontestée de roller race. Aussitôt, un nombre incalculable de gadgets sortirent des patins de ses adversaires. Un déluge de fusées élastiques, de bombes chewing-gum et de torpilles givrantes s'abattirent sur elle. Rob retint son souffle. Avec une grâce incroyable, Carmilla enchaîna salto, slalom et glissade pour les esquiver sans difficulté, avant d'envoyer un baiser imaginaire à ses adversaires, tout en franchissant la ligne d'arrivée, sourire aux lèvres. Les supporters hurlèrent de joie et acclamèrent leur idole. Quelques minutes plus tard, en quittant le stade, Rob n'en revenait toujours pas. « T'as vu pas comment elle a sauté, tourné, virevolté? C'était fou !»« Oui. » Elle est très forte. Toi aussi, tu faisais ça quand tu faisais des roller races? Oui, presque. Allez, monte dans la voiture. Alors qu'il ouvrait la portière, un prospectus sur le sol attira son attention. En le ramassant, il lut « Course de roller race pour future star du patin. Le vainqueur intégrera l'équipe des jeunes espoirs de City Freaks. » Un rêve absolu pour Rob qui avait toujours caressé l'espoir de pouvoir y entrer. Un vieil ogre qui passa à côté de Rob ricana. Un zombie qui veut faire du roller, elle est bien bonne celle-là. Depuis toujours, les habitants de City Freaks prenaient les zombies pour des êtres fragiles et incapables du moindre effort physique. Rob en avait assez. Qu'est-ce que t'en sais, gros plein de morve? Mon père en a déjà fait. Laisse tomber, Rob. On s'en fiche. En rangeant soigneusement le papier dans sa poche, il monta dans la voiture tout en jetant un regard mauvais à l'ogre qui rigolait bêtement. Le soir, Rob décida de parler de son envie de participer à la course à ses parents. Papa, maman, j'aimerais participer à une course de roller. Non. Mais... C'est hors de question. C'est un sport dangereux et nous sommes des zombies et les zombies sont bien trop fragiles pour ces sauvageries. Rob regarda son père, implorant. Chérie, peut-être que... La discussion est close. Si les zombies avaient eu des larmes, Rob aurait certainement pleuré. Le lendemain matin, le père de Rob déboula dans sa chambre. Réveille-toi, fiston. Hein? Quoi? J'ai longtemps discuté avec ta mère et elle est d'accord. Je vais t'entraîner pour la course. Quoi? C'est vrai? Tu devras porter des coudières, un airbag. On t'enroulera dans du papier bulle s'il faut, mais elle est d'accord. Allez, debout. La compétition est dans 8 jours. Surexcité, Rob bondit de son lit et suivit son père dans le jardin. Les mains dans le dos, affichant un sérieux inhabituel, son paternel parla tel un général. La roller race est un sport brutal et violent. où tous les coups sont permis. Et nous, au moindre coup de vent, nous pouvons perdre une main ou un pied. Il va donc falloir apprendre à bouger, esquiver, sauter, pour sortir indemne de cette compétition. Et pour ça, il n'y a qu'une seule méthode. Mettre nos patins et foncer à toute vitesse ? Non. D'une grosse malle, son père sortit un tutu vert pomme tout abîmé et une paire de ballerines trouées. Il faut savoir danser. Rob écarquilla les yeux. Pas, c'est hors de question que je mette ce truc. Son père sourit. 2 minutes plus tard, Rob avait enfilé la tenue. Son père lança une musique entraînante et pendant le restant de la journée, ils enchaînèrent les portées, les cabrioles, les jetées. Le désastre fut total. Rob trébuchait, marchait sur les pieds de son père, perdait un bras par-ci, un bras par-là, il n'arrivait à rien. Il finit la journée dépité. « Va te reposer, fiston. On recommence demain. » Rob partit s'écrouler dans son lit. Le lendemain, l'entraînement commença à porter ses fruits. Rob pouvait sauter sans que ses jambes se décrochent et réaliser des pirouettes tout en gardant la tête sur les épaules. Le jour suivant, son père lui apporta une paire de rollers noirs et verts, parfaitement entretenus. « C'était les miens, et c'est laid. » Les trouvant magnifiques, Rob s'empressa de les mettre. « Et maintenant ?»« Et maintenant, on recommence les mêmes exercices, patins aux pieds. » Vint le dernier jour d'entraînement. Rob était aux anges. Grâce à son père, Rob était capable de prouesses qu'il n'aurait jamais imaginées. Slalomer, rider des rampes ou esquiver des balles de tennis lancées à toute vitesse était devenu son quotidien. Alors qu'il déchaussait ses patins devant sa maison, des monstres de son école débarquèrent. Rob reconnut tout de suite Cain et ses imbéciles d'amis. Le jeune vampire soi-disant cousin éloigné de Carmilla Santana le toisa. Alors, comme ça, on s'entraîne en tutu pour la roller race, zon bizarre. Derrière, ses acolytes rigolèrent grassement. Aucun zombie n'a jamais gagné une roller race. Vous vous cassez en deux dès qu'on vous touche. Tu crois que l'entraînement de ton zombidule de père va suffire? Tu vas te faire écraser, zombouilli. Rob tremblait de rage. Mais ne trouvant rien à répondre, il rentra chez lui en jetant ses patins devant sa porte. Discrètement, Cain saisit l'occasion et dévissa les roues d'un des rollers de Rob. Voyant leur fils monter dans sa chambre en colère, les parents de Rob vinrent le voir. « Ça va pas, fiston. »« C'est Cain. Il a raison, je vais jamais y arriver. On est des zombies, on part en miettes dès qu'on nous bouscule. Alors, de là remporter une course, j'y arriverai jamais. »« Tu ne crois pas que Carmilla Santana, la seule femme à avoir participé à une roller race, s'est pas dit la même chose avant sa première course ?»« Si, peut-être. »« Et maintenant, elle est championne de City Freaks. »« Mais moi, c'est pas pareil. Je suis pas un vampire et puis j'ai des patins sans gadget. »« T'as vu Carmilla en utiliser durant sa course ?»« Ton père a raison. » Nous sommes peut-être des zombies, nous sommes peut-être fragiles, mais nous sommes ingénieux. Ton arme secrète, c'est ta tête, Rob. La seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. Tout ce qui compte, c'est de franchir la ligne d'arrivée en premier, peu importe comment. Donc, on ne se démonte pas et on y va. Le jour J, le stade de City Freaks était plein à craquer. Lorsqu'ils entrèrent en piste, les 5 espoirs de Roller Race furent acclamés. Cain bombait le torse fièrement, sûr de lui. Rob examina ses autres adversaires. Il vit une momie élancée et recouverte de bandages poussiéreux montée sur des patins en forme de sphinx. À côté, un loup-garou au poil hirsute avait, en plus de ses rollers, des gants munis de roulettes. Et pour finir, un cyclope aussi large que haut, portant une combinaison en caoutchouc, dominait ses concurrents en les fixant avec mépris. Tout le monde se mit en position. Le top départ allait être donné. Rob n'avait jamais été aussi concentré de sa vie. Le public était survolté. 3, 2, 1, bang! Les coureurs s'élancèrent. Rob se retrouva au cœur de la mêlée, pris en sandwich entre la momie et le loup-garou. Caïn était devant, tandis que le cyclope fermait la course. Le jeune vampire fut le premier à tenter une échappée en accélérant. La momie réagit au quart de tour et le suivit. Rob se plaça derrière elle et patina comme son père lui avait appris, souple et régulier. C'est à ce moment que le loup passa à l'action. Muni de ses gants à roulettes, il se mit à quatre pattes et patina avec ses mains et doubla Rob à une vitesse folle. Il allait dépasser la momie, mais des bandelettes jaillirent de ses patins et foncèrent vers lui pour l'encercler. Le loup hurla à la mort et se débattit de toutes ses forces, entraînant son adversaire dans un roulé-boulé monumental. Rob les évita de justesse en réalisant une pirouette digne de Carmilla Santana. En berlificoté, les deux adversaires furent incapables de continuer la course. Devant Rob, Caïn avait augmenté la cadence et se rapprochait dangereusement de l'arrivée. Tellement concentré sur la course de son rival, Rob avait oublié le cyclope derrière lui. C'est à ce moment que le géant se recroquevilla sur lui-même et tira sur sa combinaison en caoutchouc pour s'enfermer à l'intérieur. En un éclair, il venait de se transformer en véritable balle rebondissante qui ricochait sur toute la piste. Rob fit un virage à 180 degrés pour éviter le titan qui continua sa course dévastatrice. Le sentant approcher, Caïn actionna l'une de ses armes préférées, la roquette à raclette. Elle fusa droit sur le cyclope et le recouvrit instantanément d'une masse colossale de fromage fondu. Ressemblant à un gros babybel gluant, le monstre vint se coller sur la vitre de la tribune d'honneur. Game over. Pendant ce temps, Rob avait réussi à rattraper son retard et était maintenant au coude à coude avec Caïn. Fou de rage, le vampire utilisa ses turbopropulseurs. Mais Rob ne se laissa pas faire. Il accéléra encore, bondit sur le côté et prit l'intérieur du virage en dérapant sur la piste, réussissant ainsi à conserver sa place. La ligne d'arrivée n'était plus qu'à quelques mètres. Hors de lui, Caïn frappa alors violemment sur le roller de Rob qu'il avait saboté. Le patin vibra, puis une à une, les roues partirent de tous les côtés. Rob perdit l'équilibre et s'écroula, voyant son ennemi de toujours s'élancer vers la victoire. Il avait de la chance d'être encore entier, mais effondré, il songea à ses parents. Qu'allait-il penser de lui? Eux qui disaient qu'un zombie devait se servir de sa tête, qu'un zombie ne devait pas se démonter. Et là, Rob eut une idée. Bien sûr qu'un zombie pouvait se démonter! Alors, Rob détacha sa tête de ses épaules, prit son élan et shoota dedans de toutes ses forces. La tête de Rob partit comme un boulet de canon. Le stade cessa de respirer. Rob dépassa Caïn en lui faisant un clin d'œil et franchit la ligne d'arrivée une seconde avant le vampire. L'arbitre descendit de sa chaise, regarda la tête de Rob sur le sol et hurla dans son micro « Rob, déclaré vainqueur !» Rob n'en revenait pas. Le public était debout, il scandait son nom et l'ovationnait. Et ce soir-là, tout Cityfrix célébra Rob, le premier zombie champion de Roller Race. C'était une histoire de Thomas le Petit Corps, racontée par Arnaud Guillou. Vous avez aimé cette histoire? Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt! Il était une fois un petit livre qui partait à la rencontre des grandes figures de la littérature. Ce mois-ci, nos héros ont rendez-vous avec Sherlock Holmes. Un monstre géant terrorise la ville de Londres. Paloma, Enzo et leur chien Pipou résoudront-ils ce mystère? Élémentaire, mon cher lecteur. Toute l'année dans le Happy Meal, retrouvez une collection de livres pour enfants écrits par Catherine Pancol et illustrés par Lespelli pour partager ensemble une histoire incroyable. Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal. Voir le livre du moment en restaurant.